comme sur un nuage, je me sentais les yeux comme une plume, je m'envolais. Je regardais mon cœur rester en bas, et tous ces hommes qui s'occupaient de moi me voyaient déjà mort dans l'au-delà. Me laissant guider par des êtres mystiques, attirés par un grand bonheur fantastique, au bout d'un tunnel qui n'en finissait pas, toute ma vie a défilé devant moi, et j'ai vu la lumière tout en moi. Enfin soulagé de toutes mes souffrances, à deux doigts de quitter mon existence, ma vie était soudain entre leurs mains. Partirais-je vers un autre destin, au-delà des frontières du divin? Je ressentais en moi tellement d'amour, une envie de m'en aller pour toujours. Entendant comme des voix dans le lointain, j'allais enfin retrouver mon chemin, redescendre sur terre vers les miens.